Bonjour, bonjour. Oui, alors non seulement je m'éveille et puis je m'égosille la voix, mais en plus ce cargocule commence étrangement, qu'est-ce qui n'est pas étrange aujourd'hui, me direz-vous, commence étrangement parce qu'il n'y avait plus de générique, il est parti, il s'est évaporé. Alors j'essaie de le faire, c'est... Ouais, pas mal, hein. Alors j'ai fait un petit peu plus court, quand même. Ça va nous permettre d'aller très très vite à l'essentiel. Cargocult aujourd'hui, consacré à l'album Dub Housing de Père Ubu. C'est du culte dans le culte. Et Père Ubu, oui, est totalement culte, de toute façon, à plus d'un titre. Et c'est amusant parce que c'est tout à fait le genre de groupe dont j'ai inscrit le nom et les albums sur les tablettes des programmes futurs de Cargocult depuis le tout début. C'est typiquement le truc que vous dites, bon, bien sûr, il y aura Père Ubu. Et finalement, c'est après une cinquantaine d'émissions qu'on va se mettre à en parler. Il était temps. Et justement, parmi mes motifs de retard, c'est clairement une hésitation entre les trois premiers disques de Père Ubu. Modern Dance, c'est le premier. Celui du jour, finalement, que j'ai décidé de consacrer, entre guillemets, Dub Housing. Et le troisième, que j'adore particulièrement en plus, New Picnic Time. Ces trois disques sont une trilogie dont il est quasiment impossible de dissocier un disque. Alors bon, le premier, le deuxième, le troisième, le premier, j'ai presque tiré au sort. Et puis finalement, je me suis rangé sur un avis plutôt général et partagé concernant justement le culte de cet album de Bowsin, qui à mon avis a la faculté d'être mieux construit que les deux autres, dans le sens où le tracklisting finalement... s'enchaîne extrêmement bien et participe à faire de l'ensemble ce qui pourrait, mais là on peut utiliser le conditionnel, de ce qui pourrait être un concept album. Car oui, Père Ubu, c'est un groupe un peu foutraque, qui n'hésite pas, qui n'a jamais cherché, qui mettait ses titres à droite, à gauche, et qui a tout à fait pu inverser son tracklisting. On ne cherchait pas à faire concept. Néanmoins, le groupe, lui, est extrêmement fort, quasi conceptuel, de par même le fait de son patronyme. Donc j'y viens, Père Ubu, c'est un groupe américain de Cleveland, dans l'Ohio, la ville de l'acier, une ville grise, une ville désolée, hein. On n'est pas en Californie. Et au milieu de ça, un groupe s'impose plutôt vite à la face du monde, en tout cas à la face de la hype proto-punk, mais aussi post-punk de l'époque, avec, comme patronyme, Père Ubu. Alors ouais, bien sûr, ça tombe bien, les oreilles françaises, a priori, c'est censé résonner et chatouiller notre petite oreille culturelle et bien sûr nous rappeler l'œuvre majeure de Alfred Jarry, Ubu, Uburoi, Père Ubu. Mais croyez-moi qu'aux oreilles américaines, Père Ubu, à part quelques oreilles très instruites, ça veut rien dire. Et c'est exactement pour ça que le groupe a tenu à s'appeler comme ça, c'est justement pour ne rien dire, pour ne surtout pas parler au premier venu. Car ouais, Père Ubu finalement est un groupe qui revendique l'art comme culture majeure, qui revendique sa position intelligente, voire intellectuelle. Et néanmoins, ça ne leur empêche pas d'être un groupe de rock qui déménage, qui vrille, qui fait du bruit et qui continue enfin. Alors venons un petit peu à cette histoire, venons un petit peu à justement Père Ubu. Père Ubu, ils sont autoproclamés avant-garage. C'est intéressant, ça, comme définition. Avant-garage. Avant-garde, avant-garage. Et il faut se positionner dans le Cleveland de l'époque, donc cette première partie des années 70, où, quoique totalement grise, la ville, Cleveland, c'est la ville de l'acier, je le disais, la musique y pénètre très fort, et puis la musique dans ses retranchements... Là-dessus, on n'est pas encore en Californie. Voilà. Les Eagles n'auront aucun succès à Cleveland, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, Captain Beefheart, Frank Zappa, The Red Crayola, oui, Witchy, oui. Et puis le Velvet Underground, etc. Enfin bref, de fait, ça paraît un petit peu évident. Hein. Et il y a une scène qui s'auto-suffit extrêmement bien à Cleveland. Il y a pas mal de groupes qui tournent partout, qui jouent. Et dans ces groupes-là, Père Ubu, dans sa première incarnation, qui ne s'appelle pas d'ailleurs Père Ubu à ce moment-là, mais Rocket from the Tomb. Et Rocket from the Tomb aurait tout à fait pu rester un groupe confidentiel, tout comme exactement Père Ubu à ses stricts débuts. Et puis, ma foi, il y a eu quelque chose d'un peu miraculeux et quasi immédiat qui fait qu'il y a eu une hype de Père Ubu sur l'Europe, spécialement en Angleterre, mais ça a touché aussi l'Allemagne, ça a touché un petit peu aussi d'une certaine manière la France, dès 1978. Et qui du coup est revenu en effet boomerang aux États-Unis pour asseoir une réputation qui s'est jamais démentie. Alors Père Ubu, c'est un groupe. Évidemment, c'est un groupe, mais qui s'articule autour d'un chanteur, d'une personnalité très forte, David Thomas. David Thomas, c'est déjà physiquement une présence incroyable. C'est un colosse extrêmement imposant, gros, quasi boursouflé, mais ultra expressif, grotesque. Et c'est ainsi qu'il se détermine, c'est ainsi qu'il se définit, grotesque. Exactement comme Ubu Roy, exactement comme Père Ubu. Il est d'autant plus impressionnant que dans son registre de voix, il exerce là où on n'entend pas de la chanson rock d'habitude. Il a une voix de falsetto, une voix de fausset qui peut vriller dans des yodels, mais tout ça extrêmement puissant, dans des dynamiques qui vont de l'aigu au grave, et une puissance incantatoire, totalement hallucinante. À lui tout seul, David Thomas incarne toutes les frayeurs de l'Amérique. C'est brotigant dans un gant de fer, si vous voulez. Oui, bien sûr, le fer et l'acier de Cleveland. Autour de lui, il y a aussi des musiciens d'exception. Je pense qu'il y en a deux qui vont faire le son de Père Ubu et qui vont faire un son qu'on n'avait pas vu avant. Ça tient principalement au guitariste, mais peut-être plus encore au synthétiseur utilisé par Alan Rammstein. Rammstein utilise un synthétiseur qui est un modèle... Enfin, qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Alors, si on le trouve, je pense qu'il coûte deux bras. Mais ce n'est pas un ordinateur d'ailleurs très cher à la base. C'est le premier modèle fabriqué par EML. Alors, EML, je sais que j'ai quelques oreilles geeks parmi mes auditeurs. Alors, je vais vous faire plaisir. La story de EML, elle est plutôt courte, d'ailleurs. EML, c'est un acronyme, hein, comme Electronic Music Laboratories, une société qui était basée dans le Connecticut et dont le but premier, c'était de créer des synthés abordables il y a des fins éducatives. Et leur synthé Cul, qui est un synthé modulaire, mais qui marche que par patch, si vous voulez, voilà, comme le seront la série des RP qui vont embrayer très rapidement, ça s'appelle le EML200. Donc il n'y a aucun clavier, évidemment, il n'y a rien de digital, ça, la question ne se pose pas, même si l'ère digitale est un petit peu là. Là, on est strictement dans l'analo et de la soudure de câbles, hein, plus ou moins heureuse. Et avec ça, Rammstein va vraiment créer une machine à noise absolument implacable, mais qui peut aussi avoir quelques accents rythmiques totalement étonnants. Et d'emblée, vous verrez, dans Père Ubu, il y a quelque chose comme ça. Il y a une électronique d'arrière-plan, elle n'est jamais en avant-plan, mais il y a une électronique d'arrière-plan et un enchaînement de patterns et de séquences qui vous met par terre, quoi. C'est une forme de groove, mais alors d'outre-tombe, c'est le cas de le dire, si on revient au groupe premier, Rockets from the Tomb, puisque c'était bien là le tout début de Père Ubu, avant Père Ubu. Et ce qui est étonnant, c'est que donc on va passer de l'obscur à la hype en un clin d'œil, en fait. Bon, cela a plutôt aidé par un artiste en répertoire, un manager, j'oserais dire, mais on dit A&R plus facilement chez les anglo-saxons. Ça recouvre une définition d'ailleurs peut-être plus intéressante et plus large que simple manager, qui lui a senti le truc. C'était un gars de chez Mercury Records, donc pas un petit label, loin de là, mais qui voyait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait sur la scène de Cleveland. Et en tête, Père Ubu et David Thomas. Et deux singles, coup sur coup, vont sortir et provoquer la hype. 30 Seconds Over Tokyo, et puis le suivant avec Final Solution, morceau qui disparaîtra vite du répertoire de Père Ubu, parce que la connotation solution finale s'est avérée assez dure à porter, Et pour des raisons évidentes, Père Ubu n'a pas voulu du tout être associé à un quelconque truc, enfin, la solution finale. Mais du coup, c'était la phase B, un titre court, Clyde 149, nuage 149, qui a fait pogoter toute la jeunesse et la hype britannique, voire européenne, sur le meilleur des morceaux punk avant même le punk. Quand en 1978, Père Ubu débarque en Angleterre, ils sont des stars déjà. Il y a un album qui est déjà sorti, Modern Dance, mais ils sont des stars, et ils le seront même avant d'ailleurs, l'album Modern Dance. Des groupes comme New Medley font leur première partie, c'est assez amusant, c'est tout début. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que dans le public, il y a Joy Division qui est là, quoi. Et il y a Ian Curtis au premier rang, qui est en admiration totale devant David Thomas, et qui avouera d'ailleurs assez rapidement après avoir été extrêmement impressionné par la carrure, la prestance, la posture de David Thomas. Le premier album, parce que finalement, j'ai choisi de parler du deuxième, mais tout en vous précisant que le premier, le deuxième et le troisième formaient une espèce de trilogie parfaite. Donc ça tombe bien d'évoquer le deuxième, parce que ça permet de forcément faire un clin d'œil aux deux autres. Modern Dance va toucher directo son public, avec des morceaux qui font mouche, mais qui arrivent aussi à glisser des morceaux complètement expérimentaux, ubuesques, et là on a le droit de le dire, avec des clins d'œil dadaïstes évidents. David Thomas et puis les musiciens qui l'encadrent sont tous des enfants plutôt middle class. Le père de David Thomas est un professeur de littérature à l'université. Voilà. Non seulement on est chez des gens instruits, mais on la revendique, l'instruction. Je reviens à ce nom, Père Ubu. Quand un groupe américain décide de s'appeler Père Ubu, vous pensez bien que c'est pas pour plaire aux ploucs du Texas. Pardon pour les Texans, il y a eu des bons aussi. Tiens, ne serait-ce que le fameux groupe The Red Crayola. J'y viendrai parce que non seulement c'est une influence majeure de Père Ubu, mais le leader de Red Crayola va rejoindre Père Ubu dans une autre incarnation. Alors je parle des trois premiers disques, mais il va rejoindre le groupe au quatrième album. Alors, je m'offre cette digression et il est probable que j'en reparle un petit peu tout à l'heure. Parce que oui, autant vous le dire, Père Ubu est un groupe qui va cesser de mourir et de renaître. Et en fait, connaître plein d'incarnations différentes. On peut parler d'itération, si vous voulez, parce que peu de choses changent. Rammstein restera longtemps un musicien qui sera aux côtés de David Thomas. Et bien sûr, invariablement, les itérations de Père Ubu s'articulent autour de David Thomas lui-même. Mais il y en arrive beaucoup, et ça court encore jusqu'à aujourd'hui. C'est cependant, je pense, les cinq premières années qui sont les plus épatantes, en tout cas celles qui correspondent à cinq premiers albums duquel se dégagent peut-être plus particulièrement les trois premiers. Et ça tombe bien, on est pile poil au centre en parlant de celui du milieu. Alors qu'est-ce que c'est que cet album, Dub Housing ? Commençons par s'intéresser à la pochette. Elle est sombre. Elle est glauque. On y voit en photo ultra, enfin c'est un noir et blanc hyper, hyper contrasté, une super graphique et un peu sale. Une fenêtre d'un immeuble, quoi. Dub Housing. Alors, allez pas croire que c'est un album de dub, évidemment. Mais Dub Housing, c'est une réflexion qui était venue au groupe lorsqu'il se baladait à Baltimore. Baltimore, c'est une ville faubourg, elle toute seule, c'est dans le coin de Washington, D.C. Pas du tout dans le coin de Cleveland, hein, de fait. Et il y avait invariablement ces housing projects qui se succédaient comme des bars. Bon, c'est un paysage hein, qu'on peut imaginer assez facilement aussi dans nos banlieues. Et tout ça, faiblement éclairé. Et donc cette réflexion, oh, mais c'est du dub housing. Hein, ce réplica de maison, comme un pattern. Et ainsi était né le titre, avant même le disque. Or, ce disque, il profite d'une dynamique excellente, en l'occurrence celle du premier album, Dub Housing. C'est étonnant, il sort quelques mois après, mais vraiment rapidement. Je crois que c'est de l'ordre de 6 ou 7 mois après Modern Dance. Et je reviens un petit peu à cet artiste en répertoire plutôt malin qui avait décidé, tout en restant affilié à Mercury, de prendre le groupe sous son aile et de créer un sub-label spécialement dédié pour eux qui s'appelait Blank Record. Blank, comme la Blank Generation de Richard Hell, comme la Blank Generation d'Amos Poe. Le mot Blank, il est branché à l'époque. Blank, la génération du néant. C'est la génération New Wave, si vous voulez. Celle-ci, elle est au début de, en début de hype florissant, à la fois dans son giron mère, New York, mais très très vite aussi au-delà. Donc, Père Ubu, ce soir, et de manière peut-être accidentelle, associé à cet aspect Blank Generation, en propulsant avec force leur caractère et leur personnalité, ça n'a rien d'étonnant à ça. Et c'est d'autant plus remarquable que Père Ubu, c'est une constante, n'apparaît jamais, il n'y a aucun visuel du groupe de David Thomas, quand bien même il est impressionnant, sur aucune pochette de disque. Et c'est tant les disques solo de David Thomas, parce qu'il va avoir une carrière intéressante aussi, que la carrière du groupe. Par contre, il y a une revendication arty, pur et fort. Chaque pochette du disque est confiée à un artiste, à un dessinateur, à un peintre, fait une référence forte à l'art. C'est exactement le même chemin que va embrayer Sonic Youth dans ses pochettes de disques, rappelez-vous. Mais de ce côté-là, ils sont précédés par Père Ubu, invariablement. Alors l'album, il est néanmoins, si j'associe les trois premiers disques et j'en forme un triptyque, on va du plus efficace au plus difficile. On va vers du plus sombre. Il suit Modern Dance, il est composé rapidement, juste après une tournée, mais on peut imaginer qu'il y a des morceaux qui sont déjà écrits au moment de Modern Dance qui vont constituer The Browsing. Néanmoins, on va vers le plus difficile, on va vers le plus sombre. The Basin, c'est un disque qui va comprendre des paysages sonores, la notion n'existe nulle part à l'époque, en tout cas certainement pas dans la musique pop, et qui va pas hésiter aussi à faire appel à des bourdonnements, quoi, même pas au sens drone, au sens quelque chose comme ça qui irrite un petit peu l'oreille. Ça, c'est Rammstein, évidemment, avec son synthé. Et puis, des petits éclats, comme ça, de voix éparses, etc. Tout ça tisse un arrière-plan assez étonnant, sur lequel vont s'imposer, après, la guitare, vont s'imposer la voix de David Thomas et des autres. La rythmique, vous allez voir, est très intéressante aussi. Mais il y a aussi y a quelque chose de big beat avant la lettre. L'un des cultes majeurs du disque Dub Housing, je suis sûr qu'il vient peut-être d'un des titres forts du disque, qui s'appelle Ubu Dance Party. C'est un des morceaux de la fin, je pense que ce sera l'avant-dernier, ou l'antépénultième. C'est une ritournelle absolument entêtante, mais énervante aussi, hein, comme peuvent l'être des ritournelles. Et comme elle est galvanisée par un sublime crescendo bruitiste, qui va convoquer autant le noise électronique, mais aussi le free jazz, mais tout ça porté par une ritournelle qui fait « la la la la, la la la la ». La la la la la la la la. Franchement, répéter cette boucle pendant 7 minutes et garder son public, faut le faire. Ou alors, faut être dans un balabo, faut à la fête de la bière. Et ben justement, David Thomas et Père Ubu vont réussir à faire feu de tout bois, si vous voulez. Et à revendiquer. Pensons à Alfred Jarry, hein. Rendons hommage au père, Ubu Roy. Et à revendiquer ce côté cabaret. Ce côté grotesque. Et ça va devenir de plus en plus la ligne de fabrique de Père Ubu. Quant au troisième album, puisque je me permets de l'évoquer, il poussera le bouchon encore plus loin là-dedans, mais il va même laisser tomber le rock. C'est pas qu'il va d'ailleurs lui tourner le dos, mais il va prendre des distances. Trouver ce jeu qui permet d'être le plus loin possible de ce qu'on vous attend de vous, mais en même temps être suffisamment préhensible pour rester au cœur de la hype. Il y a une façon avant-gardiste, en tout cas une position rare à l'époque, de repousser les limites en matière de son. Et c'est pas seulement d'ailleurs dans la manière de jouer, c'est même pas seulement dans la manière d'être sur scène. Ça se voit aussi dans le mastering du disque, qui est pourri. Mais alors, si je dis qu'il est pourri, c'est dégueulasse, c'est que c'est un jugement de valeur qui n'a pas lieu d'être, parce qu'en fait, ce mixage pourri fait toute la grâce du disque. Parce que quand il est arrivé qu'ensuite Père Ubu fasse enfin un disque très bien produit avec un super mastering, bah en fait aujourd'hui le son paraît beaucoup plus plat. Alors certes, il y a un effet rétro-revival avec le low-tech, mais bien avant cela, on ne pouvait être qu'intrigué par cet instinct à la salissure, mais en même temps sans corrompre ni l'énergie, ni le talent, ni la puissance mélodique ou rythmique de ce que pouvait décocher le groupe. Et ça, c'est, ça fait force dans les trois premiers disques. C'est totalement incroyable à ce niveau-là. Et c'est un petit peu différent après. Il y a une co-construction et déconstruction des chansons. Le thème Ubu Dance Party que je vous m'y mets tout à l'heure en est un exemple, mais finalement, presque tous les morceaux fonctionnent comme ça, sur ce même chaud-froid. Et quand c'est pas sur ce jeu-là, c'est carrément sur des pièces d'ambiance, mais alors d'ambiance super froide, hein, industrielle en fait, totalement industrielle. Donc le groupe est aussi comme ça, carrefour de trucs. Il y a la guitare de Tom Herman, parce que je parlais de Rammstein, mais Tom Herman, voilà, c'est vraiment, il se fout un jeu de questions-réponses vachement bien. Ça peut avoir un jeu comme ça extrêmement fort, mais poli, carré, et passer un riff totalement affirmé, un bruit très très agressif, comme ça presque d'une main à l'autre. Et le jeu de Rammstein, où j'y reviens, c'est vraiment un très grand joueur de synthé, parce que c'est quelqu'un qui ne sert surtout pas à en jouer. Ah ben voilà, avec ça on n'a plus qu'à rentrer dedans, avec en tête effectivement ce fou furieux, mi-dadaïste, mi-comique, mi-tragique, David Thomas lui-même, hein, qui va utiliser une gamme presque illimitée d'expressions détraquées autour de yodel, de hockey, de cris, et même de chant, parce qu'après tout, c'est bien un chanteur. Bonne écoute de ce disque, Deb Housen, 1978, c'est Père Ubu, et c'est bien Cargo Cult. Oh! This house, we know. Inside a thousand voices call, and that talk echoes around and around. The windows reverberate, the walls have ears, a thousand saxophone voices talk. We know. You should hear how we sue each other. We know. You should hear. Thank you. Oh! Qu'est-ce qu'il est dur d'abandonner ce disque. Il est trop court, il est trop court. Dabrowski, Père Ubu, en 1978. Alors, c'est un disque vraiment, vraiment important. Et finalement, il est assez juste que ce soit considéré comme le... Allez, on va dire par défaut, le meilleur disque de Père Ubu, mais c'est très difficile de départager au moins les trois premiers, comme je le disais en préambule. Mais celui-ci a vraiment un cheminement particulier. Et plus on avance dans le disque, plus le spectre s'étire. Et en fait, plus le disque devient intéressant, avec ces dissonances qui sont de moins en moins complexées, des structures qui revendiquent le chaos, mais tout en restant des chansons, et en restant finalement très très très rock'n'roll. C'est typiquement le cas des trois derniers morceaux de fin, quoi. Là, retourner à l'Ubu Dance Party est l'acte de bravoure de Père Ubu, dans le sens où c'est leur morceau le plus scénique. C'est-à-dire qu'effectivement, Père Ubu aura tout fait de conjuguer l'art de la scène avec force, et pour le peu, là, devenir totalement iconographique. C'est un des paradoxes assez intéressants de Père Ubu, et c'est ce côté finalement très art form auto-revendiqué. Je le disais, jamais une photo de qui que ce soit, et surtout pas de David Thomas sur une pochette de disque. Mais le groupe va devenir iconique, parce que d'abord, effectivement, les communications de presse, elles, vont quand même irriguer tous les magazines branchés de photos du groupe sur scène. en mettant vraiment en avant David Thomas. Et puis comme le groupe va beaucoup, beaucoup tourner, il avait déjà beaucoup tourné à Cleveland et sur son territoire, avant même d'ailleurs de faire le premier album, il y a de l'archive, il y a du document. Voilà, c'est ce fameux avant-garage, ça c'est l'auto-définition de Père Ubu sur sa musique, mais qui, on le comprend bien, dès 1975, est un avant-punk et un post-punk à la fois. Petit clin d'œil d'ailleurs au fameux « Repeat Up and Start Again », le livre Bible de Simon Reynolds sur le dit post-punk. Et il y a un chapitre entier qui est consacré à Père Ubu, consacré à Père Ubu et à Divo. Donc deux groupes originaires de Cleveland et deux groupes en vis-à-vis particulièrement intéressants. J'ouvre d'ailleurs la page de ce chapitre, Uncontrollable Urge, et là c'est un clin d'œil direct à Divo, The Industrial Grotesque of Père Ubu and Divo. Et ma foi, comme la comparaison entre les deux a été assez faite, ouais, n'hésitons pas à mettre les pieds dans le plat. Divo, en plus, eux venaient de Akron. Akron, c'est une ville très proche de Cleveland, et c'est une ville miroir, parce que, elle, autant Cleveland, c'est la ville du fer et de l'acier, autant Akron, c'est encore plus triste, c'est la ville du pneu. Michelin. À part que c'est pas Michelin, c'est Firestone. Alors bien sûr, c'est plus le caoutchouc dans toute la ville, et c'est toute cette industrie qui fait tenir la ville et pas une autre. Et ma foi, que les deux groupes aient baigné dans une atmosphère industrielle, ça, du coup, c'est même pas approuvé, hein, Père Ubu et Divo. Mais l'un et l'autre sont des groupes qui, au moment où ils ont signé leur premier album, étaient déjà des groupes hyper aguerris, qui avaient tourné, qui avaient déjà fait 200 ou 300 concerts, qui étaient complètement au point. Ce qui fait que dans les starting blocks, il n'y avait qu'à donner la bonne impulsion, et c'est exactement ce qui s'est passé chez Père Ubu, chez Divo. Tous les deux ont bénéficié d'une hype incroyable. Bon, je crois que Divo n'a jamais réussi à sublimer le premier album absolument génial qu'ils avaient fait, même s'ils ont continué à faire des choses plus que bien, mais peut-être jamais trouvé l'étincelle de départ. C'est quelque chose qu'on pourra évoquer dans un autre cargo culte, je vous le promets. J'arrête cette parenthèse, si vous voulez. Indus et proto-industriels sur les groupes de Cleveland à Crown. Je reviens à Père Ubu en tant que tel. On va s'évader. On va s'évader avec un ou deux titres, au moins deux. Et peut-être un morceau, un chant du cygne, en fait, qui va clore, mais de façon provisoire, en fait, les premières années de Père Ubu, donc de 1975 à 1981-82, et avec le 82, ouais, exactement, avec un titre que j'ai extrait du cinquième album, donc, de Père Ubu, Père Ubu, première mouture. J'insistais sur les intégrations comme ça qui vont continuer quand même, et même jusqu'à aujourd'hui, et d'un disque Song of the Banning Man, qui lui va pas très bien marcher, qui lui va étonnamment bénéficier d'une production beaucoup plus riche, d'un son beaucoup plus soigné, et du coup être un petit peu moins, un peu en dessous des autres. Mais il y a dans cet album un morceau de bravoure absolument colossal, un morceau de 7 minutes et demie, ce qui est quand même un standard beaucoup plus long que c'est auquel Père Ubu nous habitue. Bon, là, on avait dans Da Barzine un morceau quand même de 5 minutes, mais c'est le plus long. Sinon, on est dans les formats de 2 minutes à 3 minutes 30, 4 minutes, si vous voulez. Comme d'hab, si j'oserais dire. Or, le morceau A Day Such Like This, qui figure quand même en bonne place dans Song of the Banning Man, est pour moi peut-être un des meilleurs morceaux, un des plus expressifs, un des plus écartelés, comme ça, qu'ait pu faire Père Ubu. Néanmoins, il ne suffisait pas à sauver l'album entier, qui lui est quand même une coudée en dessous des autres. Merci d'avoir été très, très attentif à ce cargo culte. Je remercie particulièrement Julie Dest d'avoir fait un clin d'œil et appuyé sur The Red Cryola, groupe ô combien fétiche et dont la connexion avec Père Ubu est plus qu'évidente. Et puis du coup, puisqu'on l'évoquait en chat, autant que je dis ça verbalement pour tous, The Red Cryola, c'est un groupe texan qui est vraiment un des groupes forts originaires du psychédélisme. Mais c'est un groupe qui, non content d'avoir été un des inventeurs et un des meilleurs zélateurs du psychédélisme, va en plus, et dès son deuxième album, God Bless Red Cryola and Everybody Who Sell With It, signer un disque qui va, mais carrément ouvrir le champ des expressions fin 70s, voire début 80s, qui va finalement inventer la New Wave bien avant la New Wave. Et à mon avis, qui va être une incarnation première et prophétique de ce que va faire après Père Ubu avec David Thomas. Et la magie de l'histoire veut qu'évidemment, David Thomas ait été conscient de l'importance de The Red Crayola dans son bagage culturel, et que Mario Thompson, le leader du groupe, rejoigne Père Ubu pour le quatrième album du groupe. Et l'anecdote est trop belle pour que je ne vous la raconte pas. Je me demande même si elle est vraie, mais on a envie d'y croire. C'est que quand Mario Thompson et puis David Thomas se sont rencontrés, Mario Thompson dit à David Thomas et au groupe, c'est vachement bien ce que vous faites, mais on était meilleurs. Et à David Thomas de répondre, ouais, je sais. Eh ben ouais. Promis, The Red Crayola sera à la une d'un cargo culte prochain. Et dans pas si longtemps que ça. Donc voilà, je vous tiens en haleine. Deux morceaux, l'un long et l'un court pour se quitter. Ce morceau chant du cygne, mais que je trouve absolument magnifique, A Desert Like This de Père Ubu. Et juste après, un de ces morceaux qui n'en sont pas, un de ces morceaux anti-song, qui est uniquement composé à partir d'ondes radio et qui nous ramène justement à un extrême et probablement le plus difficile, entre guillemets, du quatrième album de Père Ubu, The Art of Walking. Merci d'avoir été à l'écoute de Scargo Cult. Bonne semaine à tous. On a day such as this, then says gone more than the truth. On a day such as this, insist on more than the truth. That's the rule.